check Shakira win felaha felaha wala arbale civil oh la la oh la la ma balek ta na na na na na na na na ushabon punta kana na na na na na na shampoo de paille avec le pitou ton regard il m'a rendu fou je prends le best pas je me taille à sa loup 13-0-15 la photo c'est nous mon pote il est sourisine je fais une petite tête dans la petite piscine ouais le zinc escala la zine et c'est pas Cambino c'est déjà l'usine vas-y roule le pète deux pètes trois pètes cette année ça pète qu'est-ce qu'elle est coquette coquette son boule pile qu'elle lance roquette je fais un drogue et pif je rigole en plus il me lance la matraque en Vespa je revis je m'isole elle me trouve mignon sa copine je l'attaque ça crie à win felaha felaha on a pas les civils oh là là oh là là Déféré au parquet, je vais brancher l'avocate. PGP, ça y est, même plus je capte. Tu m'aimes pas, je me fais seul un coup de batte. Je suis des Z, ça y est, maintenant tu capes. Gambineux, c'est magique, demande à Malik. Tu me jalouses un bout, ça pour que le mouté à ligue. 5 du mat, ça démarre au cri. Côté passager, je la ramène au pic. Je ramène tout le check, tout le réseau. Tout le monde crie au réseau. On fera des civils dans le rétro. Plus haut de pété, c'est le vaisseau. Elle sent bon la fraise. Je me le stunt à l'aise. Demande à Oiseau, tout commence au 13. Je me languis la fusée, mon premier showcase. Case, check, ça crie à win, felaha, felaha. On a l'air pas les civils, oh la la, oh la la. Je m'en bats avec de ta na na na na na na na na. Au charbon punta ka na na na na na na na. Go check, ça crie à win, felaha, felaha. Elle me dit j'ai pas de mandat. Il me reste qu'un prochain poteau sous le matelas. J'ai pas le moral à poteau, j'suis pas là. Il dit mon frérot, faut ralasse l'avocat. J'rentre dans la boîte et j'suis qui est. Va dire au patron, envoie les billets. Pochon bleu, vert, jaune, violet. Envoie la bouteille, j'vais la violer. Si tu montes demain, tu pètes tout. T'es le sang, t'es la veine, c'est tout. Tu me jalouses, moi j'suis loulou. Pour percer, tu fais le toutou. Avec elle, ça glisse. Alice. J'ai 31 bis, j'mets une paire d'Azix. Alice. J'ai une tête cramée, envoie les râles.